إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، الله جل وعلا ذو الجلال والكبرياء ذل كل شيء له وأسلم طوعا وكرها، استسلم له المؤمن بقلبه وظاهره، والكافر مستسلم له كرها بالتسخير والقهر. قال عز وجل: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. دان الجميع لله، فمن في السماوات والأرض والطير كلها تصلي لله وتعبده بحسب حالها اللائق بها. قال تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وجميع الكائنات تسجد خاضعة ذليلة لله تعالى. قال عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يجب أن يكون سجود كل شيء مثل سجود الإنسان، والدواب والملائكة تسجد خوفا من الله عز وجل. قال تعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. Sachez, chers musulmans et musulmanes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui est doté de la majesté, azza wa jal. Toute chose s'humilie devant lui, que ce soit de bon gré ou de mal gré. Le croyant se soumet à Allah azza wa jal par son cœur et de façon apparente également. Quant au non-musulman, il est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, car il est sous le contrôle et sous le pouvoir d'Allah azza wa jal, et cela contre son gré. Allah Azza wa Jal dit: se soumet à lui, bon gré, mal gré, tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, et que c'est vers lui qu'ils seront ramenés. Ainsi, tout ce qui est présent dans les cieux et dans la terre se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les oiseaux, tous les oiseaux, prient Allah subhanahu wa ta'ala et adorent Allah Azza wa Jal d'une façon qui leur est propre. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens: n'as-tu pas vu qu'Allah est glorifié par tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, ainsi que par les oiseaux déployant leurs ailes? Chacun, certes, a appris sa façon de l'adorer et de le glorifier. Même les choses inertes glorifient Allah subhanahu wa ta'ala et sont soumises à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit azza wa jal, selon le sens: n'as-tu pas vu que se prosternent devant Allah subhanahu wa ta'ala tous ceux qui sont dans les cieux et dans la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux et beaucoup parmi les gens. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, et il n'est pas obligatoire que la prosternation de ces créatures ressemble à celle de l'être humain. Ainsi, tous les animaux, ainsi que les anges, se prosternent par peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Azza wa Jal, c'est devant Allah que se prosterne tout être vivant, dans les cieux et sur la terre, ainsi que les anges qui ne s'enflent pas d'orgueil. Ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux et font ce qui leur est commandé. والشمس تذهب كل يوم تحت العرش وتسجد لله قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه حين غربت الشمس قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتدري أين تذهب قلت الله ورسوله أعلم قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش متفق عليه وقال أهل العلم ولا مانع من قدرة الله أن يمكن كل شيء من الحيوان والجمادات أن يسجد له بل كل ما له ظل في الكون يسجد لله عز وجل قال تعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ومع صلاة المخلوقات لله وسجودهم فإنهم يسبحونه عز وجل قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن والرعد أيضا يسبح بحمد الله عز وجل والنمل يقدس الله وينزهه عن الشريك والمثيل قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح والنبات تسبح لله وحده قال الإمام ابن القيم رحمه الله فتبارك الله رب العالمين الذي يعلم مساقط تلك الأوراق ومنابتها فلا تخرج منها ورقة إلا بإذنه ولا تسقط إلا بعلمه ومع هذا فلو شاهدها العباد على كثرتها وتنوعها وهي تسبح بحمد ربها مع الثمار والأشجار لشاهدوا من جمالها أمرا آخر ولرأوا خلقتها بعين أخرى ولعلموا أنها لشأن عظيم خلقت وكان الصحابة رضي الله عنهم وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون تسبيح الطعام قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح البخاري ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل وكل ذرة في الكون توحد الله عز وجل قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده قال الإمام ابن كثير رحمه الله وهذا عام في الحيوانات والجمادات والنباتات وكيفية التسبيح لا يعلمها إلا الله قال تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم Et sachez que le soleil s'en va chaque jour sous le trône d'Allah Azza wa Jal pour s'y prosterner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, a dit à Abu Dharr al-Ghifari, lorsque le soleil s'est couché, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, « Sais-tu où s'est en allé le soleil ?» J'ai répondu, « Allah et son envoyé sont les plus savants. » Il a répondu alayhi salatu wassalam, le soleil est parti se prosterner en dessous du trône. Et les savants ont dit qu'Allah Azza wa Jal est capable de toutes choses et il est capable de faire en sorte que toutes choses, parmi les animaux, ou parmi les choses inertes et la possibilité de se prosterner pour lui, subhanahu wa ta'ala. Bien plus encore, tout ce qui possède une ombre dans ces cieux, dans cet univers, se prosterne à Allah Azzawajal. Il dit Azzawajal selon le sens, dans surat al-Nahl, n'ont-ils pas vu que les ombres de toutes choses qu'Allah a créées s'allongent à droite et à gauche en se prosternant devant Allah en toute humilité. Le tonnerre également proclame les louanges d'Allah Azzawajal. Les fourmis glorifient Allah Azzawajal et exemptent d'Allah Azzawajal de tout égo et de tout allié. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté dans le sahih de l'imam al-Bukhari muslim, qu'une fourmi a piqué un prophète parmi les prophètes d'Allah. Il a alors ordonné que la colonie entière de cette fourmi soit brûlée. Allah Azzawajal a ensuite révélé à ce prophète qu'une fourmi t'a piqué et tu as brûlé une communauté entière parmi les communautés qui glorifient Allah. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Les plantes également glorifient Allah Azzawajal seul. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit qu'Allah Azzawajal soit glorifié le Seigneur des mondes, celui qui sait quand les feuilles poussent et quand elles tombent. Il n'y a pas une feuille qui pousse sans qu'elle ne pousse par la permission d'Allah. Et il n'y a pas une feuille qui tombe sans qu'Allah Azzawajal ne soit au courant de celle-ci. Et en plus de cela, si les serviteurs voyaient toutes ces plantes, malgré avec leur grande quantité et avec leur différence, si les serviteurs voyaient toutes ces plantes glorifier Allah Azzawajal, s'ils voyaient les fruits, les arbres et autres glorifier Allah Azzawajal, eh bien, ils auraient vu ces choses d'un autre œil. Ils auraient porté un regard émerveillé face à cette créature d'Allah Azzawajal et ils auraient su que ces créatures, ces plantes, ont été créées pour une chose, à savoir pour adorer Allah Azzawajal. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils étaient en compagnie du prophète alayhi salatu wa sallam, entendaient le repas et la nourriture qu'ils mangeaient glorifier Allah Azzawajal. Comme l'a dit Abdullah ibn Mas'ud, et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah, il dit radiyallahu anhu, nous entendions la nourriture glorifie Allah alors qu'elle était en train d'être mangée. Il n'y a pas un atome dans cet univers sans qu'il ne proclame l'unicité d'Allah Azzawajal. Il dit subhanah, il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges. L'imam Ibn Kathir rahimahullah a dit, et cela englobe les animaux, les choses inertes ainsi que les plantes. Et ils ont une façon de glorifier Allah Azzawajal qui n'est connue que d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, comme il le dit subhanahu, mais vous ne comprenez pas leur façon de glorifier. Wa jamadatun tuhibbu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam wa kanat tusallimu alayhi fi hayatih qala alayhi salatu wa salam inni la a'rifu hajaran bi Makkah كان يسلم علي قبل أن أبعث وإني لأعرفه الآن رواه مسلم وجذع نخلة فارقه النبي صلى الله عليه وسلم فحن له الجذع وبكى حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت كما في صحيح البخاري واهتز جبل بأكمله لما صعده النبي صلى الله عليه وسلم مع خلفائه الراشدين قال أنس رضي الله عنه صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه برجله فقال عليه الصلاة والسلام أثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شاهدان رواه البخاري ومن أطاع الله ورسوله وهو مؤمن فإن جبل أحد يحبه قال عليه الصلاة والسلام أحد جبل يحبنا ونحبه رواه البخاري وقال الإمام النووي رحمه الله أحد يحبنا حقيقة جعل الله تعالى فيه تمييزا يحب به. ومن كان من علماء الإسلام فإن من في السماوات ومن في الأرض والحيتان تدعو له بالمغفرة. قال عليه الصلاة والسلام: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. ومنها ما يلبي بتلبية المسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يلبي، أي في الحج والعمرة، إلا لب من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر أي طين، حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا، وتبكي السماء والأرض حزنا على فراق المؤمن. قال سبحانه وتعالى عن قوم فرعون: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. قال ابن عباس رضي الله عنه: إذا فقد المؤمن مصلاه من الأرض التي كان يصلي فيها ويذكر الله فيها بكت عليه السماء والأرض. Et sachez que les choses inertes aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que ces choses inertes saluaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Muslim dans son Sahih: je connais une pierre à la Mecque qui me saluait avant que je ne sois prophète. Je connais son endroit actuel. Et lorsque le tronc du palmier qu'a quitté le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur lequel il montait lorsqu'il faisait ses prêches alayhi salatu wa sallam, lorsque le minbar du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a été construit et qu'il a quitté ce tronc d'arbre, eh bien celui-ci, ce tronc d'arbre, ce tronc de palmier, s'est mis à gémir et à pleurer jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit descendu du minbar et ait posé sa main dessus. Il s'est alors calmé. La montagne de Uhud a tremblé lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dessus en compagnie de ses califes bien guidés. Anas radiallahu anhu a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le mont de Uhud. Il y avait avec lui Abu Bakr, Omar et Uthman. La montagne s'est mise à trembler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a frappé de son pied et a dit: reste stable ô Uhud, car il n'y a sur toi qu'un prophète ou un véridique ou deux martyrs, rapporté par Al-Bukhari. Ainsi, celui qui aime Allah et son envoyé, et celui qui croit en Allah et son envoyé, eh bien, la montagne de Uhud l'aimera. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Uhud est une montagne que nous aimons et qui nous aime. Al-Imam al-Nawawi rahimahullah a dit: Uhud est donc une montagne qui nous aime réellement. Allah azawajal lui a donné la particularité de pouvoir aimer. Et il n'y a pas un savant de l'islam. Il n'y a pas un savant de l'islam sans que tout ce qui est présent dans les cieux et la terre, ainsi que les poissons dans le fin fond des océans, sans que ces choses ne demandent le pardon à ce savant. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: quant au savant, demande pardon pour lui tout ce qui est dans les cieux et la terre, même les poissons au fin fond de l'eau. Et il n'y a pas un musulman qui proclame la talbiyah, qui dit labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Il n'y a pas un musulman qui dit la talbiyah sans que ne répète cette talbiyah tout ce qu'il y a à sa droite et à sa gauche, comme pierre, comme maison et comme arbre. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, et le hadith est rapporté par l'imam al-Tirmidhi dans ses sunan: il n'y a pas un musulman qui fait la talbiyah, c'est-à-dire pendant la umrah ou le hajj, sans que ne proclame la talbiyah tout ce qu'il y a à sa droite et tout ce qu'il y a à sa gauche, parmi les arbres, les pierres et les maisons, jusqu'à perte de vue. Les cieux et la terre pleure de chagrin lorsqu'il quitte un croyant. Il dit subhanahu wa ta'ala en parlant du peuple de Pharaon: ni le ciel, ni la terre ne les pleurèrent et ils n'eurent aucun délai. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu a dit, lorsque le croyant quitte l'endroit dans la terre, l'endroit de la terre dans lequel il priait et dans lequel il évoquait Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire lorsqu'il meurt, eh bien, les cieux et la terre pleurent de par tristesse de cela. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والشرك بالله أعظم الذنوب وإذا سمعت الجمادات شركا به تعالى فزعت عظمة لله لانتقاص حقه في الألوهية قال سبحانه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا قال الإمام ابن كثير رحمه الله أي يكاد يكون ذلك عند سماعهن هذه المقالة عند سماعهن هذه المقالة من فجرة بني آدم إعظاما للرب وإجلالا لأنهن مخلوقات ومؤسسات على توحيده ونطق طائر بالإنكار على المشركين من بني آدم لشركهم بالله ودعاهم إلى التوحيد قال الهدهد لسليمان عليه السلام وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون ولما كان الهدهد داعيا إلى الخير وإلى عبادة الله وحده والسجود له نهي عن قتله واعلموا أن الكل من الملائكة والجمادات والنباتات والحيوانات نطقت بتنزيه الله تعالى وتوحيده وسجد لله وأطاعه وحقيق ببني آدم أن يكون كذلك وإذا حقق الإنسان العبودية كان أشرف المخلوقات ومن أشرك به كان الدواب أتم منه قال سبحانه أولئك كالأنعام بل هم أضل سشين que le polythéisme est adoré avec Allah, autre divinité, fait partie des plus grands péchés. Et lorsque les choses inertes entendent du polythéisme, entendent que le droit d'Allah Azzawajal à l'adoration seule, sans ne rien lui associer, est bafoué, Allah Azzawajal dit, et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué à un enfant. Vous avez certes là Vous avez avancé certes là une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent à ces mots et que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah a dit, ces choses citées, à savoir les cieux, la terre et les montagnes, peu s'en faut qu'elles deviennent, comme Allah Azzawajal l'a cité dans ce verset, lorsqu'elles entendent une parole aussi abominable qui émane des pervers et des mécréants parmi les fils d'Adam. Et ces montagnes, cette terre et ces cieux changent de cette façon ou changeraient de cette façon car elles connaissent l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa majesté. Et parce que ces choses ont été créées et ont été basé sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un oiseau a même condamné le polythéisme des fils d'Adam et les a appelés à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. La huppe de Sulayman a dit, comme Allah Azza wa Jal nous le raconte dans Sourate An-Naml, les versets 22 à 25. Il dit Azza wa Jal en parlant de cette huppe qui rapporte à Sulayman ce qu'elle a vu à Saba. Je te rapporte de Saba une nouvelle sûre. J'ai trouvé qu'une femme est leur reine et que de toutes choses elle a été comblée et elle a un trône magnifique. Je l'ai trouvé, elle et son peuple, se prosternant devant le soleil au lieu d'Allah. Le diable leur a embelli leurs actions et les a détournés du droit chemin. Et ils ne sont pas bien guidés. Qu'ils se prosternent devant Allah, qui fait sortir ce qui est caché dans les cieux et la terre, qui sait ce que vous cachez et aussi ce que vous divulguez. Ainsi, parce que la huppe a appelé au bien, parce que la huppe a appelé à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, parce que la huppe a appelé à se prosterner devant Allah azza wa jal uniquement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de tuer la huppe. Ainsi, sachez chers musulmans et musulmanes, que toutes les créatures, les anges, les créatures inertes, les plantes, les animaux, proclament l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, se prosternent devant Allah azza wa jal et obéissent à Allah azza wa jal. Il est donc demandé au fils d'Adam d'en faire de même. Et lorsque l'être humain adore Allah azza wa jal, il fait alors partie des créatures les plus nobles. Et lorsqu'il associe à Allah Azza wa Jal une autre divinité, alors les animaux sont plus complets que lui. Il dit Azza wa Jal, « Ulaika kal an'ami bal hum adhal » Ceux-là sont comme des bestiaux et bien plus égarés encore. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين ونسأله عز وجل أن يجعلنا من الذين يسبحونه آناء الليل وأطراف النهار إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.